Folie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Colère. 20e épisode. Les vertus de la discussion. Non mais j'adore les articles sur l'éducation, quoi. Tenez par exemple hier dans la rubrique conseils de psy. Alors, si votre enfant hurle quand vous le mettez dans sa chaise haute, c'est peut-être que vous n'avez pas pris le temps de lui demander s'il souhaitait se mettre à table. C'est vrai, moi j'avoue que je ne demande pas à chacun de mes 4 enfants individuellement s'ils daignent ou non venir à table. La question c'est, est-ce que tout est ouvert à discussion dans une famille ? Pas les partisans du oui, ça dépend. Je vois pas pourquoi j'irais au lit alors que j'ai pas sommeil. Tu vas au lit parce que je te le demande, un point c'est tout. Mais j'ai pas sommeil. Mais je m'en fiche, tu vas au lit et tu discutes pas. Et si j'ai pas sommeil, ça sert à quoi que j'aille au lit ? Tu y vas pour éviter que ta mère pète les plombs et te fasse très peur. Oh lolo, les filles, pourquoi vous disputez ? Alors Paul, je t'arrête, je ne me dispute pas avec Clémentine, je la gronde parce que je suis sa mère et qu'on n'est pas tout à fait au même niveau, tu vois, elle et moi là. Ah bah là c'est sûr qu'en abordant la discussion comme ça, tu vas la braquer. Mais tu plaisantes ? Là, hein, parce que sans vouloir braquer son Altesse Clémentine, ça fait juste 10 fois que je lui dis d'aller au lit et comme tu vois, c'est pas flagrant le résultat. Allez, t'énerve pas, je vais la coucher. Ah bah ouais, effectivement, un coup d'autorité paternelle serait bienvenu. Hein. Tu vois, je crache pas sur un peu d'aide de ta part, là. Hein. Si tu peux sortir le nez de ton journal pour pousser une bonne vieille gueulante... Eh bah pas du tout. En s'y prenant avec douceur et fermeté, on arrive à tout avec des enfants. Le tout est de ne pas imposer une vision autocratique à l'autre. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il est 21h, je demande à ma fille d'aller au lit et de nous lâcher la grappe. C'est autocratique, ça ? Ah bah en tout cas, tu imposes ton choix sans lui demander son avis, donc oui, c'est autocratique. Oh, oh, oh, oh, oh, Paul Tornade, allô la Terre, on est les parents, on est censé imposer des choses à nos enfants et pas leur demander leur avis sur tout. Ça vous dérange si j'allume la télé ? Non, non, vas-y Clémentine. Dolto, ça te dit quelque chose, Brigitte ? Ah non, à cette heure-là, mais je m'en fous complètement de Dolto, quoi. J'ai juste envie d'aller prendre un bain et d'avoir la paix, hein. Et pas de discuter 3 heures avec ma fille de 8 ans. Ouh, attention, terrain glissant, là, Brigitte, hein. La discussion, c'est la base de toute démocratie. Oui, sauf que la vie de famille, c'est pas la démocratie. Alors là, je crois plus à la dictature, tu vois. Dictature éclairée, peut-être, mais dictature quand même. Ah, ah bah, bravo. Bah alors, vaut mieux être sûr que d'entendre des trucs pareils. Moi, je crois plus à la dictature. Non, mais tu t'entends, Brigitte ? Attends, non, mais je rêve. Mais arrête, tu sors ma phrase de son contexte. Je te parle d'éducation pour les enfants. Oui, l'idéal, c'est la dictature. Non, non mais elle est excellente, celle-là. Non, mais de mieux en mieux. Pour les enfants, je préfère la dictature. Mais t'es plus malin que moi ? Eh bah, très bien. Vas-y, John Lennon, là. Vas-y, couche-la, ta fille. On va bien rire. Mm-hmm, mais parfaitement, je vais la coucher. Parce que, en attendant, elle a rallumé la télé. Hein. Et tu veux pas lui apporter des pop-corns ? Ou un club sandwich. Ah ouais, c'est très drôle ça, très drôle. Bon Clémentine, j'ai l'impression que tu n'as pas bien compris ce que ta maman attendait de toi. Bah ouais. Brigitte, c'est bon, je gère. Ouais, je m'en vais. Donc, pourquoi faut-il aller au lit le soir ? Parce que demain, tu seras fatiguée si tu vas... J'ai pas sommeil. Bon, alors si tu n'as pas sommeil, c'est peut-être que quelque chose te tracasse. On va en discuter ensemble, allez, viens t'asseoir à côté de moi. Et éteins la télé, s'il te plaît. Non. Paul est parti dans une demi-heure d'explication sur le rythme du sommeil. Moi, j'ai eu le temps de prendre mon bain, tant mieux. Ensuite, il a négocié une histoire, puis une petite camomille parce que ça aide à se décontracter. Ensuite, bah, c'était trop chaud, puis trop froid, puis c'était trop tard. Moi, pendant ce temps-là, j'ai appelé ma mère. Et puis finalement, ça s'est terminé par... Oh Clémentine, tu dégages au lit parce que ta mère et moi on n'en peut plus là, hein. Tu empiètes sur notre espace vital, déjà qu'on se fait chier toute la journée au boulot avec des gros cons, c'est pas pour rentrer le soir et que les gosses fassent la loi, merde, hein. Mais qui est-ce qui crie comme ça chez toi ? Paul ? Ouais, ouais, c'est Paul, il couche les enfants. Attends, je vais raccrocher maman parce qu'à mon avis il a besoin d'aide là. Eh ben mes compliments, hein. On n'a pas idée de hurler comme ça sur des gosses. Dis-lui de ma part qu'il s'y prend comme un pied. J'y manquerai pas. Oui, parce que, sans exagérer, on a vu des gens contacter des services sociaux pour moins de ça. Déjà que Clémentine est très émotive. Mais si après elle fait des cauchemars, faudra pas qu'il se plaigne. D'accord, ok. Bon, allez, je raccroche. Au revoir, maman. Super, Paul. Ça m'a pris 20 minutes de calmer Clémentine. Donc là, il est 22h30. On peut dire que c'est une soirée réussie. Tu peux me rappeler en combien de temps Dolto préconise de coucher ses gamins ? Ça va là, c'est bon, Brigitte. Tu sais ce que c'est le problème ? Non, laisse-moi réfléchir. Ton laxisme peut-être ? Ton éducation post-68 tarde qui justifie le coup d'état permanent des gosses dans cette famille. Ah ouais, ça c'est facile ça. Je te vois venir là. Dans deux secondes, tu vas attaquer ma mère pour dire que si on n'avait pas vécu en communauté, j'aurais moins de lacunes en grammaire. C'est bon, ça va, le refrain je le connais. Alors là, je vois pas le rapport. Excuse-moi, c'est toi qui pars tout seul sur ce terrain. J'ai rien dit. J'imagine tout à fait que dans votre communauté, il y avait des règles mais très strictes sur l'heure du coucher des enfants. Ça va, arrête tes remarques. Dans le problème dans cette famille, je vais te le dire moi. Comme on impose tout aux gosses, les heures de repas, les devoirs, le coucher, et que tu refuses la discussion d'égal à égal, le résultat c'est qu'ils ne connaissent que le rapport de force, voilà. Ils savent plus se comporter autrement qu'en s'opposant. Du coup c'est l'escalade dans le conflit. Quoi ? Parce que ça va être de ma faute en plus ? T'es en train d'insinuer que là si on vient de passer une soirée complètement pourrie, c'est parce que... Bon qu'est-ce qu'il y a Anatole là ? C'est quoi le problème ? Dis donc, tu crois pas qu'il serait normal... Tu crois pas qu'il serait normal de dormir à cette heure-là ? Si, mais vous criez tellement avec maman qu'on n'arrive pas à dormir. Et demain on sera fatigué à l'école. Il est tard pour discuter. Vous devriez aller vous coucher. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Collère, avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Françoise Lebrun, Samuel Léonard, Cajmal. Remerciements à Elodie Fiat. Bruitage Sophie Bissonde. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage Pierre Mine, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation Lise Marie Barret. Réalisation Cédric Conseillère.